Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Ray Person. Épisode 1, l'école des Jedi. En 33 après la bataille de Yavin, la galaxie est en paix. Toute la galaxie? Bah, globalement ça va. Tous les élèves font leurs vœux sur APB, et nombre d'entre eux souhaitent intégrer le célèbre temple Jedi que Luke Skywalker a fondé sur Actu. Cependant, la galaxie est vaste, et nombre de planètes n'ont pas accès à l'Holonet. Luke sait qu'il sentira un jour l'élu, qui aura un taux de midi-chlorien assez élevé pour intégrer sa prestigieuse école sans inscription, et que ceux n'ayant pas pu passer le concours d'entrée n'en valent donc pas la peine. C'est ainsi que Chewbacca, accompagné de son fidèle ami R2-D2, s'approche de Jakku à bord de l'Hippogriffe Millennium. Envoyé par le maître Jedi Luke, il vient chercher sur cette planète quelque chose de vraiment spécial. Un quart de potiron. Mais hier c'était un entier. Oui, mais aujourd'hui ils sont plus gros. Si tu veux, je peux t'acheter ton speeder. Je t'en donnerai... 60 potirons. Et de toute façon, y'a que ça qui pousse dans des airs de merde. Ça ira. Mais c'est vrai ça. Pourquoi je fais pas pousser moi-même mes potirons avec les graines de ceux que vous me donnez? Comme ça, j'ai plus besoin de bosser dans des tas de ferraille. Et je peux même revendre mon speeder. Attrapez la fille et récupérez ses graines. Mais pourquoi vous l'avez fermé? J'attends mes potirons, moi. Je vais apporter de belles pièces. Vous en avez laissé dehors? C'est libre service aujourd'hui? C'est gentil. J'en profite de deux alors. Bonne journée. Je vais garder les pièces chez moi. Je vous les donnerai après, comme ça personne ne vous les volera. Au revoir. C'est à moi. Et voilà, 18 bougies. Oh, le cadeau, le cadeau! Oh, mon potiron! Il est encore plus joli que l'année dernière. Je vais pouvoir me faire de la soupe. Pour le droïde, alors. Je peux vous donner plein de potirons, mais je vais pas vous les montrer tout de suite parce que la dernière fois, ça a mal tourné. Oh, hey, tu vas me parler mieux que ça? Poubelle à roulette. Ah, mon bras. Ah, mais vous êtes complètement taré. Allez par là-bas, j'en sais pas plus. Rendez-moi mon bras maintenant. Merci. Mais hé, touchez pas aux graines. Cassez-vous, je vous défonce. Flouta. Bon bah, je vous avais prévenu. Ouais, c'est ça, cassez-vous. Vous venez aussi pour me voler mes graines? C'est une carte qui vous envoie? Oui, c'est bien moi. Quel paquet? C'est un gâteau pour mon anniversaire? Merci. Excusez-moi, mais vous êtes qui, vous deux? R2D2? Enchanté. Actu? C'est quoi, ça? Mais une école pour apprendre quoi? Je suis une quoi? Non, vous devez vous tromper. Je veux dire, je peux pas être une Jedi. Je suis personne. Juste Rey. Non, non, mais en plus, je peux pas partir. J'ai pas d'argent, et puis mes parents vont bientôt revenir. Il faut que je reste. Bon, s'il n'y a pas de frais de scolarité, je vais leur laisser un petit mot. Wow, il est génial, ce vaisseau. Au fait, vous m'avez pas dit comment vous m'avez trouvé? Je suppose que Jakku, c'est pas le premier endroit où on s'attend à trouver des Jedi. Le Luke Skywalker? Le héros? Wow. C'est quoi, Maz? Je vais avoir un sabre laser? Bonjour. Bah, tu sais, on traîne un peu mal rentré. Oh, alors c'est vous la fameuse élue? DJ, c'est mon nom. Je suis professeur d'études et recherche des artefacts. Une matière difficile s'il en est. Mais je suppose que l'élu aura des prédispositions naturelles. L'élu? Tchoui, ça fait longtemps que t'es pas vu, mon petit chéri. Enchantée, ma petite. Je m'appelle Maz. Maz Kanata. Mais tu peux m'appeler Katana, de toute façon, tout le monde t'appelle comme ça. Très personne. Oui, le paquet est dans ton casier habituel, mon trésor. Quel paquet? Un sabre laser? D'accord, allons-y alors. Waouh! Tu ne viens pas, mon petit chouï? Mais, d'accord. Allez, viens, ma petite. L'élu, hein? Ah, ça n'arrive pas tout le temps. Je me souviens des autres élus lorsqu'ils sont venus m'acheter leur sabre laser. Cette petite rousse ravissante, au regard de braise, la démarche d'une reine. J'ai l'impression que c'était hier. 25,6 cm, fin et rapide, acier valérien avec un kyber vert. Excellent sabre pour les spécialistes de la force. Ça s'emboîtait parfaitement dans sa petite main. Le second, en revanche, avec son corps plus solide, sa démarche plus détendue, avait bien besoin d'un bon 27,5 cm en poignée. Dur à style avec quelques touches de cuir, un peu plus puissant avec son kyber jaune. Remarquablement efficace pour les combattants rapides. Je me demande quel type de sabre vous choisira. Je choisirai, non? Ah non, c'est le kyber qui choisit son Jedi, pas l'inverse. Oh, c'est quoi le kyber? Le cristal qui donne sa couleur à la lame du sabre. De quelle couleur tu tiens ton sabre? Je suis droitière. Tends le bras. Voilà. Chaque sabre de chez Maz Kanata, et pas Katana, renferme des kyber très purs et très puissants, ma chère Rey. Des bleus, des verts, des jaunes, des oranges, des violets, tous avec plusieurs nuances. Et tous sont évidemment totalement uniques. Alors, est-ce qu'il y en a un qui te plaît ? Je croyais que c'était au sabre de me choisir. Oui, enfin, parfois la force a besoin d'un petit coup de pouce. Allez, prends-en un. D'accord. Un beau sabre en lyrium, calibre bleu arctique, 22,5 cm. Très agréable à tenir en main. Agite-le un peu. Non mais, allume-le, hein. Ah, oui, pardon. Alors, tu ressens quelque chose ? Pas vraiment. Enfin, c'est cool, mais je ressens rien de spécial. Bon. Celui-là, peut-être ? Carbonite trempé à microfil et kyber orange. 17,5 cm. Un peu courbé. Bof. Bon. Plutôt celui-là, alors ? Vibro-Abir, qui lui donne cet aspect de plastique très résistant. Kyber vert émeraude. 21,5 cm. Toujours là. Bon. Alors, ferme les yeux. D'accord. Tu ressens un truc ou pas ? Non. Mais c'est pas possible, ça. Est-ce que t'es vraiment l'élu, ma petite ? Attendez, j'entends quelque chose. Y'a quoi dans cette armoire ? Oh ! Je le garde ici depuis des années. Je ne pensais pas qu'il pourrait convenir à quelqu'un. Je sens des trucs, là. Oui ? Oui ! Oui ! Oui ! Oh, wow ! Oh, oh ! Oh là ! Oh. Oui. Ah ouais, je sens bien. Oui, incroyable, incroyable. Pourquoi il n'était pas avec les autres ? Je me souviens de chaque sabre laser que j'ai vendu, ma petite reine. Or, il se trouve que ce sabre laser, je l'ai vendu à un jeune homme, au début de la guerre des clones. Un jeune chevalier Jedi, extrêmement puissant dans la force. Mais ce jeune homme a fait des choses terribles. Il est tombé du côté obscur. Et son fils en a hérité jusqu'à ce qu'il le perde en combattant son père. Il appartenait à qui ? À Luke Skywalker. Et son père. Dark Vador. Curieux, vraiment. La façon dont les choses se produisent. Souviens-toi. C'est le Kyber qui choisit son Jedi. Pas le contraire. Je crois que tu as un bel avenir. Ma chère Rey. Ça fera 127 crédits. Merci d'avoir payé le sabre, Chewbacca. Choui. On va où maintenant ? Le Act 2 Express ? Waouh ! Je pensais pas qu'il y avait des croiseurs aussi beaux dans la galaxie. C'est ce croiseur, le Act 2 Express ? Mais vous allez faire quoi ? Ah ! Je suppose qu'on se dit à bientôt alors. Votre attention, s'il vous plaît, le Act 2 Express va bientôt partir en direction de la planète Act 2, l'école des Jedi. Par conséquent, veuillez rejoindre une cabine au plus vite. Merci de votre attention, nous vous souhaitons un bon voyage. Ah oui, mais il m'a pas dit mettre les cabines. Aïe ! Oh pardon. Oh non, désolé, je voulais pas vous faire tomber. C'est rien. Je m'appelle Finn. Finn Stormtrooper. Et toi ? Très personne. Enchanté. Et lui, c'est Croutard, mon droïde souris. Tu vas à l'école des Jedi, toi aussi ? Ouais, toute ma famille y est allée, alors c'est normal que j'y aille aussi. Le problème, c'est que l'école coûte cher, alors je suis élève, mais aussi agent de ménage à l'école. Enfin, j'ai hâte de commencer. Ils ont dit d'aller dans une cabine, mais je sais pas où elles sont. Tu sais, toi ? Ouais, suis-moi. Tu viens d'où ? Jakku. J'avais entendu parler. Et toi ? Le Terrier. C'est un destroyer stellaire. J'ai une très grande famille. Oh ! Ah ! Voilà un compartiment. Je pensais pas qu'il puisse y avoir un compartiment vide dans le vaisseau. T'as déjà essayé d'utiliser la force ? Moi, à la maison, tout le monde le fait, alors j'ai tenté des trucs sur Croutard un peu. Regarde. Hey, vous auriez pas vu un droïde R1 marron, un peu rouillé. Une fille qui s'appelle Rose a perdu le sien. Il a dû partir en vadrouille. On n'a rien vu du tout, désolé. Oh, tu vas utiliser la force? Vas-y, je te regarde. Ok. Alors. Oh zut! Wow, c'est trop bien! Oh, mon pauvre Croutard. Oh, il est encore cassé. Oh. Pas génial tout ça. Moi je sais faire plein de trucs. Par exemple? Je suis un super bon pilote. Ouais, mais y'a pas besoin de la force pour faire ça. Justement, je suis trop balèze moi. Je m'appelle Poe Dameron. Fais personne. Finn Stormtrooper. Drôle de nom. Vous savez dans quelle hutte vous serez? Perso, je pense aller chez les Qui-Gon Jinn. C'est les plus courageux. Mais les Ahsoka Tano doivent être pas mal non plus. Enfin, il paraît. Bon, je vais essayer de retrouver le druide de Rose. Au plaisir. Quel prétentieux. C'est quoi ces huttes en fait? L'école est divisée en 4 huttes dans lesquelles les élèves sont répartis en fonction de leur personnalité. Il y a Qui-Gon Jinn, Ahsoka Tano, Mace Windu et Anakin Skywalker. Anakin Skywalker? Ouais, c'est là qu'il faut pas aller, c'est sûr. Toute ma famille était chez les Qui-Gon Jinn, donc je devrais sûrement y être aussi. Tu veux de l'aide pour réparer ton droïde? Non merci, je m'en occupe. Et comme ça, je pense à autre chose pour pas stresser. Stresser de quoi? Mon grand frère m'a dit que l'examen final pour être admis, c'est un combat contre un Rancor. Quoi? Ça rigole pas. Ouais. Je suppose qu'ils veulent être sûrs qu'on soit vraiment aptes à devenir des vrais Jedi. Attention, nous allons bientôt sortir de l'hyperespace. Veuillez rester assis. Vous pourrez ensuite vous diriger vers les transports du hangar principal. Sauf les premières années qui iront dans le hangar secondaire. Salut Chewie. Bonjour à tous, je suis C3PO, relation humain-cyborg. Ça ne veut rien dire. Veuillez vous répartir dans les transports qui nous emmèneront sur l'île principale d'Actu. Viens avec moi, on va dans celui de Chewie. C'est ton ami le grand truc poilu là? C'est un Wookie. Ouais voilà. On vient avec vous. Mais si, j'insiste. Salut. Moi c'est Rey. Et moi Finn.